très très Il est longtemps. où, Allez. Maitreya? Maitreya, il est basé à Londres, parce que Maitreya, encore une fois, si vous le voyez, vous verrez un homme. Et il a un passeport. Il a un passeport, il a été naturalisé anglais il y a quelques années, Ouais. mais il avait un passeport pakistanais. Il n'était pas incarné, il n'avait pas d'apparence physique, encore qu'il pouvait se manifester, si vous voulez, mais il n'avait pas de corps défini, et il était dans ce qu'on appelle son corps de lumière dans les Himalayas. Et le 7 juillet 77, il est descendu des Himalayas du côté pakistanais. Simplement, il a pris, donc, si vous voulez, pour l'anecdote, il a pris un passeport pakistanais. Et le 19 juillet 77, il a pris un avion vers Londres, où il a été, où il s'est installé dans la communauté pakistanaise, indo-pakistanaise de l'est de la capitale londonienne, où il a commencé son travail public, tout en étant encore anonyme. Mais, C'est-à-dire que mais il est né, donc il n'est pas né d'une femme. Voilà, Je vous donc il avait quel âge en le 19 juillet 77? Il, je ne... Physique, physique, l'âge physique. je comprends ce que vous voulez dire. Il avait l'apparence d'un homme dont je ne connais pas l'âge, mais qui peut être 35, 40 ans, quelque Donc chose comme avant, il n'y ça. avait aucune trace de cette personne. Non, lorsqu'un maître est dans son corps de lumière, nous, êtres humains, ne pouvons pas le Mais voir. de son être physique, je veux dire, il n'y avait aucune vie avant de son être Non. physique. Il a matérialisé, il a mis 7 jours pour matérialiser un corps qui a toutes les apparences d'un corps de Et chair. il a matérialisé le passeport. Alors ça, les détails techniques, je ne les connais pas. Je ne sais pas comment il a obtenu son passeport. Il a peut-être pu le matérialiser, mais en tout cas, c'est un passeport légal. Et puis, après une dizaine d'années en Angleterre, il a obtenu sa nationalité anglaise. Mais il est probable que la consonance de son nom sur son passeport sera une consonance arabo-musulmane du Pakistan. Vous voyez, il ne va pas s'appeler Paul Dupont ou Donc son Henry nom n'est Smith. pas, son nom légal n'est pas Maitreya. Maitreya. Non. Maitreya est son nom spirituel, son nom d'initié. Et donc, Maitreya, sous son nom humain, Qui est en est? train... actuel, on ne le connaît pas encore, est en train de se révéler à l'humanité. Il a, pour vous dire très concrètement, il a été interviewé début janvier sur une grande chaîne télévisée américaine. Sous le C'est-à-dire, nom de... Ah on ne le sait pas encore. Je mais il n'a n'en ai rien dit, il a dit bonjour, c'est moi. Il n'avait, en bas de l'écran, il n'y avait pas marqué Maitreya. Et bien Il a marqué été quoi? interviewé. Je ne Mais sais pas. il a Je bien un ne nom sais de pas. passeport. Oui, je ne le connais pas encore. Je n'ai pas d'autres informations sur cette première interview télévisée qui était prévue depuis très très longtemps. Depuis 1982, il avait dit, un moment viendra où je débuterai ma vie publique par une interview télévisée sur une grande chaîne télévisée américaine. Et vous avez le lien de cette interview? Pas encore. Elle n'a pas été diffusée, donc elle n'a pas été diffusée, elle a été faite. Elle a été diffusée. Elle a été diffusée. Elle a été diffusée. Vous pouvez faire des recherches. Moi, je ne les ai pas faites. Il faut savoir qu'il y aura de très, très nombreuses autres interviews parce que cet homme va interpeller les journalistes, va interpeller les auditeurs, les spectateurs à la télévision, et les gens vont en redemander. Son message va être très simple, c'est partagez, soyez frères, redécouvrez la fraternité universelle de l'espèce humaine, instaurez la justice dans vos rapports, et la justice entraînera la paix. Et la justice passe par le partage des ressources. Vous voyez, des choses très très simples. Oui. Mais ce qui Et il m'intrigue, va... c'est quand même cette interview-là est diffusée et personne n'a... Et vous avez même pas vu la Et vous savez, vidéo. c'est un nobody pour l'instant. Bah, c'est un Il n'y a... nobody qui a été interviewé par quelqu'un, apparemment. Oui, mais bon, il y a des tas de gens qui vous m'interviewez. Moi, je suis un nobody. Je suis pas vraiment connu. Ah J'ai une bah oui, petite mais on va notoriété. rechercher après Bernard Clavière et on va retrouver Pas la peu. vidéo. Eh bien, ça, oui, sauf que pour Maitreya, la Maitreya? mayonnaise va monter peu à peu, si vous voulez. Au fil des interviews, il va acquérir une certaine notoriété qui va grandir, et puis les gens vont se dire, mais cet homme est exceptionnel, il est extraordinaire, il n'est pas comme les autres. Donc, certains vont vouloir le transformer en leader politique, d'autres en leader religieux. Il n'est rien de tout ça. Il n'est rien de tout ça. Il va accepter aucune responsabilité politique ou religieuse. C'est un maître d'une dimension, d'une stature incommensurable. Et donc, peu à peu, il va simplement être reconnu pour ce qu'il est. Et un moment viendra où il va se déclarer officiellement à l'humanité. Et ce sera le D-Day, le Declaration Day. Le jour de déclaration, le JD. Et ce jour-là, il sera évidemment très très célèbre, mais personne ne saura encore qu'il est le Christ. Même si beaucoup de gens le supposeront, si vous voulez, hein. Le jour de déclaration n'aura lieu que parce que l'humanité sera prête à entendre ce qu'il aura à nous dire ce jour-là. Et ce jour-là, donc, sa notoriété sera telle que toutes les télévisions du monde se seront mises en réseau. C'est possible aujourd'hui. Techniquement, aujourd'hui, c'est possible. On sait faire ça. Hein, on connaît l'Eurovision. La Mondovision est également possible. Et ce personnage, devenu très célèbre, donc, les journalistes du monde entier vont organiser cette diffusion globale de cette nouvelle interview. Sauf que ce jour-là, il ne va pas parler, il va communiquer télépathiquement avec l'ensemble de l'humanité. Ça va être un adombrement, un overshadowing de l'ensemble de la population mondiale. Tout Donc être humain. il y a des textes ou il y a des choses, je suppose que ce que vous dites là est écrit quelque part ou vous l'avez lu ou on vous a dit ou vous avez... Bien sûr. Donc il y a des dates Je de peux. manifestation. Non, ça fait 27 ans qu'on attend la première interview télévisée. Je vous garantis qu'il fallait être patient. Il y a des gens qui se sont découragés, mais d'autres qui ont attendu patiemment, comme moi. Et aujourd'hui, nous arrivons au bout de notre attente. Nous savons que Maitreya a engagé et passé à la deuxième étape de sa manifestation publique. La deuxième étape qui va peut-être durer des mois, des années. Encore une fois, il faut que la mayonnaise monte. Il faut que ce personnage se fasse connaître. Il faut que les journalistes l'interviewent partout, les radios, les télévisions, les journaux, la presse écrite. Et donc, ce jour de déclaration, tout être humain au-dessus de 12 ans va l'entendre dans sa propre langue. Il ne parlera pas, ce sera une Pentecôte à la puissance 1000. Chaque être humain va l'entendre dans sa propre langue. Soit il Pourquoi lit, pas un soit enfant? il chute. Pourquoi un enfant avant 12 ans? Parce qu'ils ne sont pas assez, leur corps mental n'est pas assez développé, si vous voulez. Ils sont pas. Ce sont des questions techniques, mais c'est pas grave. Hein. Ils bénéficieront tout autant de cette merveilleuse de ce merveilleux événement. Bref, je crois que c'est 12 ans. Je suis pas exactement sûr, mais il me semble que c'est 12 ans. Concomitamment, de façon concomitante, lors de cette déclaration, il va provoquer des centaines de milliers de guérisons miraculeuses. Un peu comme une carte de visite, un peu pour nous Et quand, montrer. selon ses écrits, on ne sait pas alors quand est-ce que si ça va être dans 10 ans, dans 50 ans, dans... Non, il n'y a pas de temps pour. D'accord. Le temps n'existe pas pour Maitreya, mais ça sera. Non, ça ne sera pas 50 ans. Nous pensons que ce sera un certain nombre de mois. D'accord. Et quand c'est Qui peut. nous, quand vous dites nous... Quand je dis nous, Je parle des gens qui concrètement travaillent depuis parfois de nombreuses années, en ce qui concerne une trentaine d'années, pour faire connaître le retour du Christ sur Terre. Quand je dis le Christ, je pourrais dire l'instructeur mondial, si vous voulez. Il n'y a pas de date, encore une fois. Mais nous savons que ça va se passer relativement rapidement à l'échelle du temps humain. Et à la fin de cette interview globale, mondiale, Maitreya va présenter les maîtres qui sont autour de lui, parce qu'il n'est pas seul, il est entouré de ce qu'on appelle la hiérarchie spirituelle de cette planète, qui, pour revenir à notre sujet, a fait appel à des avatars. D'accord. La hiérarchie spirituelle de la planète Terre, puisque chaque planète a sa propre hiérarchie spirituelle, chaque planète étant un chantier, a son propre architecte, a ses responsables de corps de métier, etc. Et donc la planète Terre a une hiérarchie qui est responsable de l'évolution de cette planète. Des gens qui contrôlent, qui guident, qui accompagnent l'évolution de la planète Terre et encore une fois de tous les règnes qui la composent. Elle est composée, cette hiérarchie, de 63 maîtres qui ont des attributions très spécifiques, très concrètes. Certains s'occupent des sciences, d'autres des arts, d'autres de l'économie, d'autres de la politique, etc., etc., d'autres des religions. Mais là, notre interview pourrait durer des heures et des heures et des Des heures. heures et des heures, je suis d'accord.